Bon bah j'espère que ça vous plaît, hein. Ça sera pas petit, hein, mais bon, c'est un petit appart à Paris, c'est pas mal, hein. Enfin bon, j'espère pas que je suis à Paris bientôt, c'est environ 2 mois. Bon, c'est sympa, bon, mon appart, un petit peu. J'habite un petit appartement parisien, 6e étage sans ascenseur, les ascenseurs ne font pas peur. Ainsi parfois je vous l'accorde, je fais une pause à mi-chemin. De là-haut s'étale sous mes yeux la capitale. La dame d'acier me fait les yeux doux, sacré sacré cœur qui se prend à mon cou. Sous les toits j'ai construit mon petit univers, des mélodies qui flottent dans l'air. Un brin de poésie pour l'imaginaire. Mon cœur bat pour la ville lumière, une source d'inspiration au fil des saisons. Oh oh, ya la la la, ya la, brise dans un peu d'arté. Oh oh, ya la la la, ya la, brise dans un peu d'arté. Oh oh, ya la la la, ya la, brise dans un peu d'arté. Oh oh, ya la la la, la. Allez les mains, c'est parti. Les transports en commun défilent le théâtre de la vie et son train-train. Répétition générale d'une représentation qui n'aura sûrement jamais lieu. Alors je me régale, car dans l'instant de l'existence qui se trame sous mes yeux, les amoureux des bancs publics s'embrassent et s'enlacent au milieu de la masse. La foule trace sous la berce qui menace, les parapluies s'amassent, puis pas. Terminus, tout le monde descend du bus. Je rejoins tranquillement le métropolitain. J'aime bien m'asseoir et observer tous ces gens pressés. On oublie trop souvent de prendre le temps de vivre. On ne donne plus d'importance aux vieux réflexes de l'enfance. Étonné du peu